Chapitre 8e, le fil de la friture. Paulin Broquet, le lendemain matin, se trouvait dans son bureau, voisin de celui du chef de la sûreté. Il demandait avec insistance un numéro au téléphone. La demoiselle, préposée au fil, lui répondait encore et n'obtenait pas de réponse. « Vous m'étonnez, mademoiselle, dit le détective, car le numéro que je demande a rendez-vous avec moi à cette heure précise et doit se trouver chez lui. Voulez-vous le rappeler ? » Au bout de quelques minutes infructueuses, Paulin Broquet dit « Mademoiselle, c'est du cabinet du chef de la sûreté que je téléphone. Vous savez que les communications qui partent d'ici doivent passer avant toutes les autres. Mais oui, monsieur, je m'occupe uniquement de vous, sans pouvoir obtenir de résultats. C'est étrange. Enfin, attendons. Prévenez-moi aussitôt que l'on répondra. » Paulin Broquet accrocha son appareil, fort contrarié. Il s'apprêtait à rouler une cigarette quand la sonnerie du poste répondit. « Voilà, monsieur, » dit la téléphoniste, « on répond enfin. Vous êtes en communication. Merci, ne touchez plus au fil. » Paulin Broquet téléphona. « Gabriel, c'est toi, mon garçon ?»« Oui, chef. Bon, tu n'étais donc pas là. »« Pardon, chef. J'attends depuis longtemps votre appel et maintenant seulement je... »« Bon, bon, » fit vivement le détective. « Écoute. » Mais Gabriel interrompit son chef par des « Allô, allô ?» des plus inquiets. « Allô, chef, je ne vous entends plus. » « Tu es devenu sourd tout à coup ?»« Non, chef, mais il y a une friture énorme sur le fil. Je ne m'en aperçois pas ici. »« Tenez, chef, » fit Gabriel, « voilà qu'on rit maintenant. »« On rit, tu es fou, mon garçon. »« Ce sont des vibrations d'appareil, c'est un phénomène très naturel. »« Cependant, nous avons eu la même sensation, monsieur le préfet et moi, au moment de l'affaire de la rue Saint-Marc. »« Mais après enquête, les ingénieurs nous ont expliqué la chose, ce n'est rien. » Paulin Broquet dit alors à Gabriel, « Mon garçon, tu ne devais pas venir ce matin, mais j'ai absolument besoin de te voir. Bien, je t'attends. Bien, chef. » Paulin Broquet, cette fois, raccrocha son appareil avec satisfaction et se mit à rouler une cigarette quand lui-même il déclara avoir bien gagné. Puis, se tournant vers l'amorce qui se trouvait dans son bureau depuis le début de cette scène, il dit « Dans un moment, Gabriel me téléphonera à nouveau d'un autre point. Le cercle commence à se rétrécir. » Il montra à l'amorce un plan de Paris étalé sur son bureau et sur lequel, au crayon bleu, il avait tracé plusieurs croix. « Ce sont les points d'où, avec toi et Gabriel, tous ces jours-ci, à diverses heures, nous avons téléphoné. De tous ces points, nous avons entendu la même friture, le même déclic, ce même rire souvent qui nous prouve que quelqu'un est branché sur les fils de la préfecture. Mais le cercle se rétrécit. Nous allons finir par trouver dans quelle rue, puis dans quel pâté de maison on a branché le fil. « Et ce sera, ma foi, très amusant, » il ajouta. « Quant à toi, mon garçon, tu vas aller me téléphoner de ce carré. » Sur le plan, il désigna l'endroit à l'amorce qui peu après se retirait. « Qu'on me laisse, » dit Paulin Broquet. « Je l'appellerai. Bien, chef. » Quand il téléphonait ainsi, Paulin Broquet jouait ce qu'il appelait en souriant les jobards. Ou, si l'on peut mieux dire à propos du téléphone, il faisait l'âne pour avoir du son. Il envoyait tantôt l'un, tantôt l'autre de ses lieutenants dans un bureau de poste, un café, chez un commerçant ou chez un particulier de bonne volonté pour téléphoner. De ce point, il faisait adresser la communication soit à lui, soit au préfet de police, soit à un service de la sûreté, afin chaque fois de s'assurer de la friture. Sur cette carte, alors, Paulin Broquet marquait la place d'où on lui avait téléphoné. La fois suivante, on lui téléphonait d'un point plus rapproché du boulevard du Palais. Ainsi, en éliminant un à un tous les points dans un cercle tracé d'avance sur sa carte, Paulin Broquet finirait par trouver le point d'où la friture ne serait plus sensible entre l'hôtel des postes, la préfecture de police et la sûreté. Par conséquent, les recherches se limiteraient dans un rayon, en somme peu vaste, entre ce point silencieux et le dernier point d'où le déclic avait été perçu. Paulin Broquet était absolument certain que ceux qu'il combattait s'étaient reliés secrètement au fil spécial de la préfecture de police et qu'ainsi ils pouvaient surprendre tout ce qui offrait pour eux quelque intérêt. Cela gênait grandement, on le conçoit, ces opérations de police. Il fallait à tout prix détruire au plus vite cet obstacle. Mais, pour ne pas donner l'alarme aux aides, Paulin Broquet devait agir comme s'il n'attachait aucune importance au bruit lui révélant que l'indiscrétion se commettait quand il parlait. Il lui fallait laisser croire qu'il tenait pour vrai les prétendues déclarations des ingénieurs. D'autant que plus d'une fois il avait remarqué, après le crépitement de la friture, ce qu'il prenait pour un rire était une sorte de conversation faite d'une voix bizarre, anormale, intrigante, que les nasillements du téléphone rendaient méconnaissable et qu'on ne pouvait réellement définir. Aussi, ce matin, disposant de 2 heures environ, avait-il résolu de pousser plus loin son enquête. Les points d'où maintenant ses lieutenants devaient communiquer avec lui se rapprochaient singulièrement du palais de justice. Alors, Paulin Broquet eut l'idée de brusquer encore les choses. Il dit à Gabriel de lui téléphoner d'un point qu'il avait désigné sur son plan par le chiffre 8. Ce chiffre indiquait un carré d'immeuble de l'avenue Victoria touchant le Châtelet, par conséquent sur le bord de la Seine, en aval du pont au change, devant le palais de justice même. De ce point, la friture et la voix nasillarde singulière qui ressemblait à un rire bizarre se firent entendre encore. « Bah où 10 ?» dit alors Paulin Broquet à Gabriel. Le point 10 se trouvait de l'autre côté du pont au change, en amont, sur le quai de Gèvres. Ici encore, de ce point extrême, le déclic, la friture, le rire nasillard et bizarre se firent entendre. Paulin Broquet, cette fois, était pris au dépourvu. Il s'imaginait que le branchement du fil devait se trouver entre le poste central de l'hôtel des téléphones et le palais de justice, c'est-à-dire de la rue du Louvre à la place du Châtelet. Il n'avait donc sur son plan répertorié que la rive droite, et il ne put donner aucune nouvelle indication à ses hommes. Il les fit rentrer. Délaissant un moment la carte de Paris annotée, il consulta le plan des téléphones dont il s'était muni et se mit à étudier une fois encore le passage des fils de la préfecture de police à la Sûreté, qui se trouvaient réunis en un câble spécial sur un point du boulevard du Palais. Or, ce câble, Paulin Broquet l'avait vérifié dès les premiers jours, il était intact, personne n'y avait touché. Quand ses lieutenants parurent, Paulin Broquet leur fit part de ses observations et de ses réflexions. « Le fil n'est pas, nous en avons maintenant la certitude, branché sur un point de la rive droite. Il faut donc que nous cherchions maintenant sur la rive gauche. Toi, l'amorce, tu vas aller me téléphoner du quai de l'horloge. De ce côté, en aval du palais, il se trouve là un bouquiniste qui a le téléphone. Toi, Gabriel, tu vas me téléphoner du quai de la Cité, en amont par conséquent. Près du tribunal de commerce, tu trouveras un marchand de vin. De là, tu pourras me dire ce qu'il te plaira. Mais écoutez ceci, mes garçons. Si de ces points, vous entendez comme je l'entendrai moi-même, la friture, le déclic et le rire, vous irez aussitôt me téléphoner d'un autre point de l'autre côté de la Cité, près du petit bras de la Seine. Ainsi, nous aurons étudié les alentours, le voisinage immédiat du palais, et il faudra alors que le diable s'en mêle, soit le complice du Z, pour que nous n'arrivions pas à couper le fil de Zigomar. L'amorce et Gabriel arrêtèrent donc immédiatement les points d'où ils allaient téléphoner. Ces points se trouvaient, comme on l'a vu, en premier au quai de l'horloge, au quai des fleurs, puis, tournant le tribunal de commerce, la préfecture de police, venaient se placer rue de Lutèce d'abord, enfin quai du Maréchal Neuf et même quai des Orfèvres. Ainsi, la filière se resserrant, c'était le palais de justice qui s'y trouvait enclavé de façon inquiétante. « Et je me demande maintenant, se dit Paulin Broquet, si je ne vais pas être obligé d'envoyer mes hommes me téléphoner d'une chambre du tribunal de commerce, de la caserne de la Cité ou du palais de justice. » Paulin Broquet ajouta en souriant « Il serait vraiment amusant que Zigomar ait branché son fil dans le bureau du chef de la sûreté ou du préfet de police. Ce serait du joli. » Puis il alluma une cigarette et se grattant le menton, il se mit à marcher dans son bureau. Peu après, les communications de l'amorce et de Gabriel, des derniers points d'où il était possible de lui téléphoner en dehors des bâtiments de l'État, lui parvenaient avec le même déclic, la même friture et encore ce même rire qui l'intriguait si fort. « Rentrez, mes garçons, » dit-il. Bientôt, les deux lieutenants se trouvaient dans son cabinet, et avec eux, ils pointaient les derniers endroits, possédant sur l'annuaire des téléphones un poste d'abonnement. « Il s'agit maintenant, mes garçons, » leur dit-il, « de ne pas nous brûler nous-mêmes. Comme il est évident que nous touchons au but, que nous arrivons au branchement, nous ne pouvons plus aller téléphoner au hasard dans une boutique quelconque. Vous êtes tous les deux maintenant ici trop connus. Et ce serait trop près de la préfecture pour qu'un message fût lancé par l'un de vous à mon adresse, sans immédiatement donner l'éveil, révéler le but, car à 2 pas de mon cabinet, vous auriez plutôt fait, logiquement, de venir vous-même me prévenir que d'user du téléphone. C'est juste, chef. Vous allez donc prendre 3 de nos hommes, et ce sont eux qui, portant l'uniforme de gardien de la paix, iront chez 3 négociants de la place Dauphine, abonnés, lancer un coup de téléphone non pas à moi directement, mais à l'un des services quelconques de la sûreté ou de la préfecture de police. L'amorce et Gabriel chargèrent donc 3 hommes de la brigade de Paulin Broquet, de se rendre, après quelques détours, chez les négociants désignés. Quand ces hommes furent partis, ayant compris leur mission et devant l'exécuter à merveille, les deux lieutenants revinrent dans le cabinet de Paulin Broquet. Celui-ci les expédia dans les services de la préfecture de police que l'on allait demander et lui-même se rendit chez le chef de la sûreté. Les deux lieutenants de Paulin Broquet firent suspendre toutes les communications de ces divers services pour ne laisser libres que les trois points où ils se trouvaient, et ils attendirent les communications des hommes de la brigade. L'une après l'autre, elles arrivèrent, et toutes révélèrent encore le déclic, la friture et le rire singulier. L'épreuve était concluante. Paulin Broquet et ses deux aides se retrouvèrent bientôt réunis dans le cabinet que le chef occupait dans les bâtiments de la sûreté. « Il n'y a pas à dire, il n'y a plus à en douter, » dit Paulin Broquet. « C'est dans le palais de justice même que maintenant nous devons chercher le raccord du fil. » La mort s'avança un peu sa tête pointue et futée, rappelant la mine rusée du renard, et il dit sur un ton insinuant à Paulin Broquet, « Chef, nous avons bien entendu le déclic et la friture qui sont des bruits absolument naturels et habituels. » Paulin Broquet l'interrompit. « Tu veux parler, mon garçon, du rire qui très souvent accompagne la friture ?»« Oui, chef. » « Et tu vas me dire sans doute que ce rire n'est pas à proprement parler un rire, mais l'écho d'une voix nasillarde, bizarre, qui ne prononce aucun mot, fait entendre des sons modulés singulièrement et donnant, avec la déformation du téléphone, l'impression que l'on n'entend pas une voix humaine. « Absolument, chef. Et je cherche ce qui pourrait produire cette sorte de rire qui n'est pas un rire, qui pourrait émettre ces sons qui ne sont pas des paroles, et j'avoue, chef, que je n'y parviens pas. » Paulin Broquet étendit la main, ce qui voulait dire à ses lieutenants de se taire. Il les regarda tous les deux du coin de l'œil et se mit à sourire. Puis, il se gratta le menton. Enfin, il alluma une cigarette, et sur une console, où il avait l'habitude de le déposer en entrant dans son cabinet, il prit son chapeau. D'un mouvement instinctif, il tâta dans sa poche de côté où se trouvait son revolver, compagnon fidèle, et il dit à ses deux lieutenants « Mes garçons, attendez-moi là. » Abandonnant Gabriel et l'amorce, quelque peu ahuri, il sortit vivement.